السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. Certes, toutes les louanges reviennent à Allah. Nous le louons et lui demandons aide et pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons protection contre le mal de nos âmes et les méfaits de nos actes. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste et témoigne qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée, excepté Allah seul, sans associé. Et je témoigne que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Amma ba'du, fa inna khayra al-hadithi, kitabullah, wa khayra al-hadi hadi Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah Azzawajal, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont celles qui sont inventées dans la religion, et toutes choses inventées dans la religion sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse sont des égarements, et tout égarement sont en enfer. Ceci étant dit, dans la première partie de cette conférence, nous avons cité quelques règles, quelques moyens et causes qui mènent à la stabilité du foyer musulman. Et le premier moyen que nous avons cité, et celui-ci est la base de cette stabilité, c'est se conformer aux ordres d'Allah Azza wa Jal et à l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et rester ferme sur cette voie droite, sur cette religion. Et on a dit que ceci est la cause de tout bonheur. Plus le foyer et plus les membres du foyer sont loin de la religion et sa mise en pratique, et plus l'instabilité prendra le dessus sur la stabilité. Qu'Allah nous en préserve. La deuxième règle que nous avons citée est le fait que chacun des époux connaisse les droits et devoirs qu'ils ont l'un envers l'autre, et que chacun s'efforce de les mettre en pratique. Car, en réalité, ceci fait partie des obligations qu'Allah subhanahu nous a ordonnées. Et la mise en pratique des obligations fait partie des œuvres les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal. Conformément à sa parole dans le hadith al-Qudusi, Allah dit « Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus aimée auprès de moi que par le fait d'accomplir ce que je lui ai ordonné. » Ainsi, quand le mari ou la femme remplissent chacun les devoirs et obligations qu'ils ont l'un envers l'autre, alors il faut qu'ils sachent qu'en premier lieu, à travers ceci, ils se rapprochent tous deux de leur Seigneur. La troisième règle, ou troisième cause, menant à la stabilité du foyer, et celle-ci est liée, comme nous avons dit, hier, elle est liée au commencement de la vie familiale. Et cette cause est le fait de bien choisir son mari ou sa femme. Et comment bien choisir son futur mari ou sa future femme? La réponse est ceci en mettant en application les conseils et exhortations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a conseillé de privilégier et mettre en avant la religion c'est-à-dire la piété de la personne ainsi que sa crainte d'Allah Azzawajal et son bon comportement. Plus la piété de la personne est mise en avant dans le choix du mari ou de la femme, et plus le foyer sera stable et solide, Insha'Allah Ta'ala. Ensuite, la quatrième cause menant à la stabilité du foyer, c'est le fait de ne pas laisser s'accumuler les désaccords, de ne pas laisser s'accumuler les disputes et les conflits sans que cela ne soit résolu. Car l'accumulation des désaccords et des conflits conduit à l'instabilité du foyer et à la division. Qu'Allah nous en préserve. Lorsqu'un désaccord ou une dispute surgit dans la vie familiale, il est essentiel et impératif de le résoudre rapidement et d'y mettre un terme immédiatement, avant qu'il ne s'accumule. Car ceci, c'est-à-dire l'accumulation de disputes et de désaccords sans résolution, va rendre la réconciliation entre les époux très compliquée et difficile. Il incombe au mari et à la femme de s'habituer à dialoguer et discuter ensemble. Et j'insiste ici sur le fait de s'habituer, car ce type de discussion doit devenir une habitude dans notre vie familiale, dans notre foyer. Cela permet de prévenir et d'empêcher l'accumulation de discordes et de disputes. Et cela contribue également à l'amélioration de la vie de famille. Un dialogue respectueux, basé et fondé sur une bonne communication, une compréhension mutuelle et un ton apaisé, tout cela sont des causes et moyens importants pour assurer et garantir la durabilité et la stabilité du foyer. Et cela est également une cause essentielle pour préserver l'affection et l'amour entre les époux. Une bonne organisation et une bonne cohabitation sont des choses recommandées par notre religion. Fuir et éviter la résolution des conflits ou des désaccords, et fuir la correction des erreurs dans une dispute, ceci est une cause de leur accumulation. Ce qui peut finalement conduire et mener, si ce n'est pas au divorce physique, alors au moins à un divorce émotionnel et sentimental, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sentiments ni de compassion entre les époux, qu'Allah nous en préserve. Ou encore, cela peut mener à une séparation, à une rupture psychologique, ainsi qu'à la dureté dans le foyer. Et afin de résoudre certains désaccords et conflits familiaux, il est essentiel que les époux et épouses fassent certaines concessions l'un envers l'autre, avec le juste milieu, bien sûr. Il faut parfois qu'ils, c'est-à-dire le mari comme la femme, renoncent à certains de leurs intérêts personnels ou de leur position personnelle afin de privilégier la stabilité du foyer et de ne pas accumuler les désaccords et disputes. Il faut également que chacun ait des bonnes opinions l'un envers l'autre, que chacun pense du bien de l'autre. Il est également très important pour résoudre les désaccords et les conflits au sein du foyer que chaque époux et épouse s'habitue à pardonner et à faire preuve de miséricorde l'un envers l'autre. Surtout lorsque des excuses sont présentées. Ainsi, Il convient au mari d'éviter de s'entêter sur sa position lorsque son épouse lui présente ses excuses. Et il en est de même pour l'épouse. Elle ne doit pas être dure, ferme ou obstinée lorsque des excuses lui sont faites. Car il est du droit de l'épouse que son mari lui présente des excuses s'il a commis une erreur. De même, il est du droit du mari que son épouse lui présente des excuses si elle a commis une erreur. Cependant, l'épouse ne doit pas exiger des excuses explicites et détaillées, car ceci pourrait mettre le mari dans une situation gênante ou parfois rabaissante. Et ceci est une position que beaucoup d'hommes n'acceptent pas. Donc, il est important que la femme accepte même les excuses simples. Il a été rapporté que certains pieux prédécesseurs disaient: les croyants sont ceux qui acceptent les excuses, ce qui signifie qu'ils pardonnaient. Ainsi, si le mari commet une erreur et revient avec le sourire en voulant corriger son erreur et rétablir la situation, alors l'épouse ne doit pas rejeter ses efforts en insistant et en exigeant des excuses plus détaillées. Et de la même manière, le mari doit faire preuve de pardon, de bienveillance et de compassion envers sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Celui qui est miséricordieux envers les créatures et les êtres, alors Allah, celui qui est au-dessus des cieux, sera miséricordieux envers lui. Aussi, de nombreux problèmes familiaux et désaccords au sein du foyer proviennent en réalité d'un amour fort entre les époux. Alors, ils ne sont donc pas dus à de la haine ou du fait que chacun se déteste, mais plutôt d'un amour fort. Cependant, cet amour intense que la femme éprouve pour son mari peut la rendre plus sensible au comportement de celui-ci, peut la rendre plus fragile dans certaines situations, ce qui peut la pousser à mal réagir parfois ou à surréagir. Cela peut également la conduire à mal interpréter certaines situations et à se comporter de manière inappropriée envers son mari, ce qui va par la suite entraîner des désaccords et des conflits. Et il en est de même pour le mari. L'amour fort qu'il éprouve pour sa femme peut aussi l'amener à mal agir ou à se comporter de manière inadaptée, ce qui peut également provoquer des conflits et des disputes. Ainsi, il est étonnant que certains désaccords et disputes soient causés par un amour fort, qui par la suite peut mener à la séparation. C'est pour cela qu'il est très très important d'axer et de baser cet amour entre les époux sur la droiture, sur la religion, de le baser sur l'attachement au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que ceci soit une cause pour préserver cet amour et cette affection qu'Allah subhanahu a mis entre l'homme et sa femme. Allah subhanahu dit dans son livre, le Coran: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. La traduction rapprochée du sens dit: Et parmi ces signes, il, c'est-à-dire Allah, a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez sérénité, c'est-à-dire la tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection, c'est-à-dire de l'amour, et de la miséricorde, c'est-à-dire de la bienveillance et la compassion. Fin du verset. Donc, afin de préserver ces bienfaits, c'est-à-dire l'affection et l'amour entre les époux, il est essentiel que chacun communique et dialogue d'une bonne manière, que chacun fasse preuve de bon comportement durant leurs échanges et qu'ils s'habituent à le faire, qu'ils s'habituent à ce que leur dialogue et leur communication soient faits avec bienfaisance, de la meilleure des manières. Les époux doivent toujours maintenir leur communication, car il arrive souvent que des couples s'éloignent les uns des autres, ils deviennent distants, ce qui peut entraîner une longue période de dureté, de froideur dans le foyer, ce qui va rendre leur relation quasi rompue, presque brisée. Il ne fait aucun doute que cette situation est très malheureuse, surtout lorsqu'ils vivent sous le même toit, dans la même maison. Donc, il faut impérativement, avant d'en arriver jusqu'ici, dialoguer et discuter des problèmes, des erreurs de chacun, en basant ces discussions sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comparer nos comportements, nos agissements avec le comportement du meilleur des hommes, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi se corriger petit à petit. Et ceci, incha'Allahu ta'ala, sera une cause de la stabilité au sein du foyer et évitera l'accumulation de désaccords et de disputes. Ensuite, la cinquième cause ou le cinquième moyen menant à la stabilité du foyer est la patience entre les époux. La patience entre les époux est essentielle et indispensable pour la stabilité du foyer. Le mari ainsi que sa femme doivent faire preuve de patience, surtout lorsque certaines situations et certaines circonstances l'exigent. Certaines femmes, par exemple, peuvent se plaindre du manque de moyens de leur mari. Mais si nous regardons l'état et la situation du mari, on voit qu'il fait les causes et qu'il fait de son mieux afin d'améliorer sa situation financière. Donc, dans ce cas, la femme se doit de patienter et de ne pas lui demander plus que ce qu'il peut donner ou dépenser. De même, le mari doit prendre en compte la situation de sa femme. Il doit prendre en considération ses changements d'humeur liés à ce qui l'entoure, liés à ses responsabilités et son état émotionnel qui peut changer, par exemple en période de menstrues ou encore en période de grossesse. Car la femme de base, comme ceci est connu, elle est plus fragile, surtout au niveau émotionnel. Et elle l'est encore plus pendant ces périodes. C'est pourquoi il est essentiel que le mari fasse preuve de compréhension et de patience face à ces situations. Allah subhanahu dit dans le Coran, Wabashiri sabirin. La traduction rapprochée du sens ici dit, et annonce la bonne nouvelle aux patients, à ceux qui patientent. Fin du verset. C'est-à-dire, annonce à ceux qui ont patienté dans cette vie d'ici-bas, face aux différentes épreuves, qu'Allah Azzawajal leur a promis une belle récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah dit également dans un autre verset: Innama yuwaffa sabiruna. La traduction approchée du sens dit: ceux qui ont enduré, ceux qui ont patienté, auront leur pleine récompense sans compter. Fin du verset. C'est-à-dire, les gens patients recevront leur récompense dans l'au-delà sans limite ni restriction. Subhanallah, cela souligne la grandeur de la récompense et du mérite des personnes patientes, des personnes qui endurent et patientent. Ces versets indiquent clairement qu'Allah subhanahu a réservé pour ses serviteurs qui ont patienté et enduré face aux diverses épreuves, Allah leur a réservé de grandes récompenses dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Ceci doit nous inciter, doit nous encourager à patienter afin de mettre en pratique les recommandations de notre Seigneur et ainsi bénéficier de ses grandes récompenses. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne n'a reçu un don meilleur et plus généreux et plus vaste que la patience. Fin du hadith. Ce hadith souligne clairement l'importance et la valeur de la patience dans notre religion, et qu'il est l'un des meilleurs dons qu'Allah subhanahu puisse donner à son serviteur. Qu'Allah subhanahu nous donne et nous accorde ce noble caractère qui est la patience. Le mari doit faire preuve de patience envers sa femme, et la femme doit faire preuve de patience envers son mari, et ceci afin de préserver et de maintenir la vie familiale ainsi que le foyer. La sixième règle, parmi les causes et les moyens importants qui mènent à la stabilité de la vie familiale, c'est le fait d'ignorer ou de fermer les yeux sur certains défauts ou certaines erreurs, et ceci volontairement. Tout ceci dans le but de favoriser la stabilité dans le foyer ainsi que la durabilité de la vie familiale. Le fait que le mari ou la femme ignore certains défauts et certains comportements, qu'il est possible d'ignorer, bien sûr, alors ceci est une vertu bénéfique, précieuse, que seuls ceux qui possèdent une grande sagesse peuvent mettre en pratique. En revanche, chercher constamment les défauts des autres ainsi que leurs erreurs, ceci fait partie des comportements blâmables, qu'Allah nous en préserve. Et cette habitude, c'est-à-dire le fait de scruter les défauts et erreur d'autrui, cela peut nuire gravement à la vie de famille et peut même détruire la stabilité du foyer. Le fait de s'arrêter à chaque faux pas, le fait de s'arrêter à chaque erreur et à chaque défaut, refuser de fermer les yeux et ignorer, sont des comportements nuisibles, car ils sont la cause de l'instabilité au sein du foyer. L'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: 9 dixièmes de la bonne conduite réside dans le fait de fermer les yeux ou ignorer certains défauts et erreurs. Fin de citation. Le fait de fermer les yeux ou de ne pas prêter attention à toute erreur, ceci ne signifie pas que le mari ou la femme est faible. Cela ne signifie pas qu'ils sont inattentifs ou manquent de discernement. Non, bien au contraire, cela témoigne de leur sagesse et de leur intelligence. Et cela indique également qu'ils font preuve de discernement, tout en faisant semblant de ne pas voir et de fermer les yeux. Car ils différencient entre les erreurs qui peuvent être ignorées et les erreurs qui doivent être corrigées. Ainsi, l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: celui dont la raison est saine est celui qui est intelligent, c'est-à-dire qui a la compréhension. Celui qui ferme les yeux sur certains défauts. Fin de citation. Également, l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: faire semblant d'ignorer les erreurs est l'une des plus nobles qualités des personnes généreuses. En effet, les gens sont naturellement enclins aux erreurs et aux fautes. Si une personne s'occupe de chaque faux pas et de chaque erreur, elle se fatigue et fatigue les autres. La personne douée de raison saine et intelligente est celle qui ne prête pas attention à chaque chose, petite ou grande, avec sa famille, ses proches, ses amis et ses voisins. Fin de citation. La septième règle ou cause. Parmi les moyens et les causes de stabilité du foyer, le fait de ne pas divulguer ou exposer les secrets conjugaux, les secrets au sein du foyer, ni exposer les défauts de chacun des époux. Dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Inna min asharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, parmi les personnes qui occupent le pire rang auprès d'Allah le jour du jugement, il y a l'homme qui a des rapports intimes avec sa femme et elle avec lui, puis il divulgue ses secrets. Fin du hadith. Ce hadith montre clairement l'interdiction à l'homme de révéler ce qui se passe entre lui et sa femme, en particulier en ce qui concerne les rapports intimes, ainsi que les détails de ces rapports. Ce hadith est clair sur ce sujet et indique l'interdiction formelle de divulguer ou exposer quoi que ce soit des rapports intimes entre l'homme et sa femme. Et d'après Asma bint Yazid al-Ansariya, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il se pourrait qu'un homme dise ce qu'il fait avec son épouse lors de leur rapport, et il se pourrait qu'une femme informe de ce qu'elle a fait avec son époux lors de leur rapport. Les gens présents se sont tus et n'ont pas répondu. Et j'ai dit: oui, par Allah, ô messager d'Allah, elles le disent, yani ces femmes-là, elles le disent, et eux, ces hommes-là, le font aussi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne faites pas cela, car cela ressemble un diable qui rencontre une diablesse sur un chemin et accomplit le rapport avec elle alors que les gens les regardent. Fin du hadith. Donc, ce hadith indique clairement l'interdiction à l'homme et à la femme de révéler ce qui se passe entre eux, plus particulièrement en ce qui concerne les rapports intimes. Également, il n'est pas non plus permis à la femme et au mari de parler des défauts de chacun aux autres, et ceci sans raison valable, car cela relève de la médisance. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en définissant ce qu'est la médisance, il a dit: Savez-vous ce qu'est la médisance? Les compagnons ont dit: Allah et son messager sont plus savants. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: La médisance, c'est le fait de mentionner de ton frère ce qu'il déteste. Ensuite, il a été dit au prophète: Et si ce que je dis sur lui est vrai? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a alors répondu: Si ce que tu dis est vrai, tu as certainement commis une médisance sur lui. Et si ce que tu as dit sur lui n'est pas vrai, alors tu as certes dit de lui un mensonge. Fin du hadith. Une chose également importante et qui doit être considérée à sa juste valeur, c'est le contrat de mariage qui unit et lie le mari et la femme. Il faut le considérer comme une chose sacrée. C'est un lien entre les époux qui doit être ferme et solide. Par conséquent, la vie de famille nécessite d'être préservée. Donc, lorsque le mari commence à exposer les défauts de sa femme, ou que la femme commence à exposer les défauts de son mari, cela va exposer la vie de famille à la dégradation et à l'affaiblissement de la relation, jusqu'à la destruction du noyau familial, jusqu'à détruire ce qui a été fondé précédemment. Qu'Allah subhanahu nous préserve de ceci. Ainsi, ceci, c'est-à-dire le fait de parler des défauts de chacun, n'est pas à prendre à la légère. Ceci est un péché qui mènera à une instabilité au sein du foyer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait de préserver les dépôts. Et parmi ces dépôts, se trouve le fait de préserver les secrets. Ne pas divulguer les paroles d'une personne à une autre, que ce soit dans des assises ou dans d'autres situations. Ceci est essentiel pour éviter beaucoup de discorde et de désordre au sein du foyer ou encore dans la société. Cette règle où ce principe est encore plus important par rapport à ce qui se passe et ce qui se dit entre un mari et sa femme. Il est interdit à la femme de révéler ce qui se passe dans l'intimité de leur relation, excepté dans des situations vraiment nécessaires, comme pour demander un avis religieux, ou encore chercher des conseils, ou encore porter plainte devant un tribunal. En dehors de ces exceptions, la règle est que la vie privée du couple doit être protégée et les secrets doivent être préservés. Et le fait de divulguer ces secrets va nuire à la stabilité du mariage et de la famille. La huitième règle, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière ou une seule façon d'exprimer son amour. Que signifie ceci? Certaines femmes souhaitent que leur mari exprime constamment de l'affection et de l'amour envers elles, et ceci, quelles que soient les circonstances, sans tenir compte de son état d'esprit, qu'il soit heureux, en colère, contrarié ou triste. De même, certains maris attendent de leurs épouses qu'elles manifestent constamment son amour et son affection envers lui. Cependant, cela n'est pas possible, car l'homme et la femme sont tous deux confrontés à des soucis, à des peines, ainsi qu'à des difficultés et de la fatigue. Telle est la vie d'ici-bas, une vie de soucis, de préoccupations, de difficultés qui touchent chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il est important de prendre en compte ces circonstances et de savoir que l'amour entre les époux peut être exprimé de différentes façons. Certains époux ou épouses disent à la moindre difficulté, au moindre désaccord, je ne l'aime plus. Ou bien ils ou elles disent, je n'ai plus de sentiments envers lui ou elle. Cela ne devrait pas se produire. Il est nécessaire à l'époux comme à l'épouse de faire preuve de patience, de calme et d'agir posément. Il a été rapporté qu'un homme envisageait de divorcer de sa femme. Il est allé voir Omar, radiallahu anhu, qui lui a demandé: pourquoi veux-tu la divorcer? L'homme a répondu: je ne l'aime plus. Omar lui a alors dit: est-ce que tous les foyers sont fondés sur l'amour? Et qu'en est-il de la bienveillance? Qu'en est-il du fait de prendre soin d'elle? Ne crains-tu pas d'être blâmé, c'est-à-dire sur le fait d'être la cause de la séparation de la famille? Fin de citation. Allah subhanahu dit dans son livre, le Coran: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. La traduction rapprochée du sens dit: et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez sérénité auprès d'elles. Et il, c'est-à-dire Allah, a mis entre vous de l'affection, c'est-à-dire de l'amour. Et il a mis entre vous de la miséricorde, c'est-à-dire de la bienveillance. Fin de la traduction. Par conséquent, s'il n'y a pas forcément d'amour entre les époux, alors il faut qu'il y ait de la bienveillance et de la bonté entre eux. Ensuite, Allah subhanahu a dit dans le Coran, dans sa recommandation concernant le comportement envers les épouses, il dit: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. La traduction du sens dit ici: et vivez avec elles, c'est-à-dire avec vos épouses, avec bienveillance. Fin du verset. Les gens de science ont dit à propos de ce verset: le mari doit agir avec son épouse avec bienveillance, en lui offrant une belle compagnie, en s'abstenant de lui causer du tort, en faisant preuve de bonté envers elle et en se comportant bien avec elle. Cela inclut également le fait de subvenir à ses besoins, tels que la nourriture, les vêtements et autres. Fin de citation. Ensuite, méditons sur la parole d'Allah, le Très-Haut, que nous avons citée précédemment, quand il dit, selon la traduction rapprochée du sens, et vivez avec elle, c'est-à-dire et vivez avec vos épouses convenablement, avec bienveillance. Et si vous avez de l'aversion, c'est-à-dire si vous avez de la détestation pour elle. Fin de citation. Donc, même en cas de détestation, ici, on voit bien que ce n'est pas seulement en cas d'absence d'amour, mais bien en cas de détestation pour elle. Allah, il dit quoi dans la suite du verset? Il dit Subhanah, selon la traduction rapprochée du sens, car il se peut que vous détestiez quelque chose dans laquelle Allah y a mis un grand bien. Que signifie cela? Je vais répéter la traduction rapprochée du verset qui dit et vivez avec vos épouses convenablement, avec bienveillance. Et si vous avez de la détestation pour elles ou envers elles, alors il se peut que vous détestiez quelque chose dans laquelle Allah y a placé un grand bien. Fin de la traduction. Que signifie sa parole? Alors il se peut que vous détestiez quelque chose dans laquelle Allah y a placé un grand bien. Cela signifie de rester attaché à vos épouses, de garder vos femmes, même en cas de détestation, car il se pourrait que cela cache un grand bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le verset que nous avons cité précédemment. Le simple fait qu'il y ait des problèmes qui peuvent affaiblir cet amour pour ensuite mener à la séparation. Tout ceci est ce que veut et souhaite fortement le shaitan. Et c'est ce qui le réjouit le plus après l'association, après le shirk. Comme mentionné dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque Iblis se lève le matin, il envoie ses troupes, c'est-à-dire ses troupes de diables, et leur dit: celui qui égarera un musulman aujourd'hui, je l'habillerai d'une couronne. L'un d'eux vient alors et dit, l'un des diables, il dit: je n'ai cessé de tenter un tel jusqu'à ce qu'il divorce de sa femme. Fin de citation. C'est ainsi que le shaitan récompense ses soldats parmi les diables. Plus ils égarent les musulmans, et plus ils sont récompensés et rapprochés auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Iblis, qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Et en réalité, beaucoup de difficultés et souffrances dans le mariage, et ceci surtout du côté des épouses, beaucoup de ces choses-là surviennent à cause des attentes de certaines épouses concernant l'expression de l'amour de leur mari envers elles. Et souvent, ces attentes sont beaucoup influencées par ce qu'elles ont vu dans le passé ou dans le présent, dans des séries télévisées des feuilletons ou encore des programmes télévisés. Elles en viennent alors à croire que ces comportements idéalisés sont la seule preuve authentique de l'amour. Et en réalité, ces critères et ces comportements idéalisés ne sont qu'une guerre psychologique, c'est-à-dire c'est une influence psychologique pour les foyers musulmans. Car lorsque le mari et sa femme délaissent le suivi du Coran et le suivi et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils mettent de côté la patience, l'espoir en la récompense d'Allah, ainsi que le pardon, alors il ne fait aucun doute que cette famille se brisera ou restera dans une insouciance totale. De la même manière, lorsque le mari comme la femme prennent comme mesure de l'amour de l'un envers l'autre ce qu'ils ont vu dans certains feuilletons ou séries télévisées, alors il ne fait aucun doute que cela conduira à la destruction de la famille. L'amour dans un couple, dans un foyer, il peut être exprimé par un peu d'affection, de compassion. Et alhamdoulillah, il y a beaucoup de foyers où l'amour et l'affection sont présents. Nous n'avons en aucun cas besoin de programmes télévisés ou feuilletons de ce genre de personnes, ni de les prendre comme modèles, alors qu'en réalité, eux-mêmes ont besoin d'améliorer leur propre situation. Qu'Allah nous guide et les guide. Toutefois, cette influence constitue une pression psychologique dangereuse qui a profondément affecté les familles musulmanes. Cette influence a perturbé la stabilité de la vie familiale, menant parfois au divorce et même à l'infidélité. Qu'Allah nous en préserve. La neuvième règle ou la neuvième cause et moyen menant à la résolution des conflits ainsi qu'à la stabilité du foyer, c'est de pardonner quand on en a la capacité. Que le mari pardonne à sa femme et que la femme pardonne à son mari. Ceci, Incha'Allahu Ta'ala, sera une grande cause afin de résoudre ces disputes et conflits et ainsi maintenir la stabilité du foyer familial. Allah Subhanahu a incité sur le fait de pardonner, a incité au pardon en disant dans le Coran: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. La traduction rapprochée du sens, avec une petite explication, dit: celui qui pardonne à celui qui lui a fait du tort, et qui renonce à le punir, et qui rétablit l'affection entre lui et la personne pardonnée, et ceci dans le but de la recherche de l'agrément d'Allah Azzawajal. Alors celui qui fait tout cela, Incha'Allahu Ta'ala, recevra sa récompense de la part d'Allah Azzawajal. À la fin du verset, Allah dit: en vérité, Allah n'aime pas les injustes, c'est-à-dire ceux qui causent du tort aux gens et leur font du mal. Fin de l'explication. Ainsi, le fait de savoir qu'Allah subhanahu récompense celui qui pardonne, ceci doit nous encourager et nous inciter à pardonner, et surtout si ce pardon sera la cause d'une réconciliation entre le mari et sa femme. Cependant, il y a certains cas ou certaines situations où le pardon n'est pas approprié ou ne convient pas à celui qui a causé du tort, et que l'intérêt religieux exige de punir cette personne. Alors, dans ce cas, le pardon ne sera pas obligatoire, ne sera pas exigé. Ensuite, une autre parole d'Allah Azzawajal dans le Coran qui incite à pardonner. Allah dit: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. La traduction rapprochée du sens dit: empressez-vous, ou encore hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur, vers ce qui vous fera mériter un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Ensuite, Allah Azzawajal va décrire, il va citer quelques caractéristiques de ces gens pieux. Il dit, selon la traduction rapprochée du sens, ceux qui dépensent pour Allah, que ce soit dans l'aisance et dans l'adversité. Pour ceux qui contiennent leur colère et pour ceux qui pardonnent à autrui. Car Allah aime les bienfaisants. Fin de la traduction. Donc, le fait de pardonner à autrui est une caractéristique parmi les caractéristiques des gens pieux qui mériteront, incha'Allahu ta'ala, le paradis. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِهِ إِلَّا عِزًّا. En français, il dit: Allah n'accorde à un serviteur par le pardon que de l'élévation. Allah n'accorde que de l'élévation à qui? À un serviteur qui pardonne. Fin du hadith. Ainsi, le serviteur, en raison de son pardon face à une injustice qu'il a subie, et en raison de son renoncement à se venger malgré sa capacité à le faire, Allah l'élève davantage dans cette vie d'ici-bas. Et certes, celui qui est connu pour son pardon, celui qui est connu pour le fait de pardonner à autrui, alors celui-là grandit dans les cœurs. Il grandit dans l'au-delà par une grande récompense, incha'Allahu ta'ala. Et qui sont les meilleures personnes à mériter le pardon? Les meilleures personnes à mériter le pardon sont celles qui se trouvent dans ton foyer, celles qui sont les plus proches de toi. La meilleure personne à qui un mari peut pardonner est sa femme. De même, la meilleure personne à qui une femme peut pardonner est son mari, même s'il a commis une erreur, puis a reconnu son tort par la suite. Car le pardon est une cause qui maintient l'amour, qui apporte la stabilité et renforce la cohésion du foyer, et permet ainsi d'atteindre les grands objectifs de la vie familiale. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit Dans un autre verset du Coran, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. La traduction rapprochée du sens dit ici qu'ils pardonnent et ne fassent aucun cas du tort qu'ils ont subi. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Fin de traduction. Ainsi, si vous vous comportez envers les serviteurs d'Allah Azzawajal avec pardon et indulgence, alors Allah se comportera ainsi avec vous. Et Allah dit dans un autre verset du Coran, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. La traduction rapprochée du sens dit: La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. Réponds au mal de la meilleure façon et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité, tu le verras devenir tel un ami chaleureux. Fin de traduction. Un simple désaccord ne devrait pas entraîner une animosité. Par conséquent, si après ce désaccord ou conflit, tu commences par des bonnes paroles, par des paroles bienveillantes, Allah dit: Alors celui qui était ton ennemi devient comme un ami proche. Fin de traduction. Ainsi, le mari, en pardonnant à sa femme, ou la femme, en pardonnant à son mari, en faisant ceci, il rabaisse et humilie le shaitan, qu'Allah nous préserve de son mal. Donc, en cas de désaccord, que celui qui a commis l'erreur prenne l'initiative de présenter ses excuses et que l'autre partie les accepte en lui pardonnant, sans aggraver le conflit, pour éviter que le conflit ne grandisse plus que ce qu'il était au début. Et pour finir, la dixième et dernière règle. Elle est tirée de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: Khayrukum khayrukum li ahlih wa ana khayrukum li ahli. La traduction de sa parole dit: Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Fin du hadith. Cette règle est une règle très importante. Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. Cette parole signifie que si une personne possède de la bienfaisance, de la bonté et de la générosité, alors les personnes qui méritent le plus de bénéficier de cette générosité et de cette bonté sont les membres de sa famille, c'est-à-dire sa femme, sa mère, ainsi que son père et ses enfants. Ceux-là sont les plus à même à mériter cette bienveillance et cette générosité du mari, conformément à la parole du prophète que nous avons citée précédemment. Et il doit être bon envers eux, en dépensant pour eux, car dépenser pour sa famille est plus préférable que de dépenser pour d'autres. Et tout ceci s'applique pour le mari. Puis, ce qui s'applique à l'épouse, la personne à qui elle doit accorder le fait de prendre soin d'elle, à qui Elle doit accorder le plus d'affection et de bonnes paroles à son mari. C'est pourquoi, si nous méditons sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa manière de faire avec ses épouses, dans sa tendresse et dans son bon comportement envers elles, nous serions étonnés par ses bons comportements, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, de nombreuses épouses souffrent et se plaignent de maris qui ne leur accordent presque rien de leurs droits, ni dans leurs droits personnels, ni dans les questions de subsistance, ni dans les affaires du foyer, ni dans celles des enfants. De même, il se peut que le mari se plaigne de son épouse en raison de son manque d'attention et de service envers lui, en lui donnant moins de soins et d'intérêt qu'elle n'en accorde à d'autres. Wallahu musta'an. Et en réalité, la stabilité de la vie familiale est une stabilité pour la société. Et avant toutes ces choses, c'est une obéissance aux ordres d'Allah subhanahu. Dans cette conférence, nous avons mentionné et cité certaines règles et raisons générales qui mènent à la stabilité du foyer. Et quiconque médite sur la religion et médite sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa vie avec ses épouses, alors il trouvera de nombreuses causes et moyens qui mènent à la stabilité du foyer. Qu'Allah subhanahu fasse que nous soyons parmi ceux qui écoutent les rappels et qui suivent les meilleurs d'entre eux, et qu'il nous accorde de bons comportements et qu'il nous éloigne des mauvais comportements. Et je lui demande qu'il nous guide vers de bonnes paroles et de bonnes œuvres. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا